I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked. I think these days, especially in the States, you have to be a politician or an assassin or something to really be a superstar. Awake. Jim Morrison. Indoors, outdoors. All hail the American night. Feuilleton en 5 épisodes de Christine Spionti. Climat 2. Célébration rock. Et puis je suis devenu Jim Morrison. Rockstar. 250 concerts en 4 ans. Backstage 1, Friedrich Nietzsche. Le backstage du Saratoga Performing Arts Center, dans l'État de New York. Une salle très éclairée, moquette vert foncé, des murs de briques peints en blanc, des banquettes de cuir orangé le long des murs. Au milieu de la pièce, un piano à queue noire laquée. Ray en costume blanc, chemise noire. Plan suivant. Robbie à la guitare acoustique faisant Bob Dylan. Puis Jim Morrison, veste de cuir noir au piano. Coupé. Ray assis sur une banquette à côté de Dorothy Fujikawa, sa femme. Tout en noir. Mini-jupe et bottes. C'était en 1968. On allait entrer en scène. John n'est pas là. Ou alors il n'est pas dans le champ de la caméra. Il n'aime pas trop ça. Moi, je suis là, à côté de Dorothy. Ray se penche et parle à Dorothy. Ils font une sorte de jeu d'échange avec des magazines. Il rit. Nous sommes joyeux. Avec Dorothy, c'est joyeux. Un petit côté film muet, non ? Ray lève le fanzine vers la caméra et sourit au caméraman. Coupé. On reprend avec un plan en plongée. Jim a demandé au cadreur de monter sur le piano. Le film est d'en haut. Il se met en scène. On est devenu The Doors. Dès que je prenais conscience d'être regardé, je faisais le show pour me protéger. Tu étais plutôt taciturne dans la vie. Tu ne parlais pas beaucoup. Nous ne savions rien de toi. Backstage, on savait que tu te mettais en état de monter sur scène, d'aller aussi loin que possible. Tu devenais Jim Morrison, la rockstar. Jim Morrison joue sur 3 notes au piano une phrase inquiétante à la Hitchcock. J'ai écrit cette ode à Nietzsche le 3 janvier, à la porte de son logis. Nietzsche vit un cocher qui fouettait son cheval. Il passa ses bras autour du cou de l'animal et éclata en sanglots. C'était le premier signe de sa folie. Il avait probablement contracté la syphilis lorsqu'il était étudiant. Il jouait du Wagner au piano pour les putains. Et toutes ces années-là, il devait porter en lui les germes du chaos. À la fin, quand il désespéra de donner corps à tout son monde de pensées, il se laissa submerger par ces forces qui firent exploser les cellules de son cerveau. Mais avant tout, il couronna sa philosophie par ce dernier acte symbolique, chapitre final de sa philosophie, et il s'unit à jamais avec l'acte et l'animal. Dernier plan du film. Jim Morrison tape sur le piano des accords dissonants en criant sa poésie. Et toute l'assemblée rit. Il fut enfermé à l'asile. Et pour les 10 dernières années, il a pleuré. Pleuré. Il a ri. Et regardé le soleil. Et Jim Morrison sourit à la caméra. Maintenant que je revois ces images, je me dis qu'il y a là comme une menace. C'est ce qu'il appelle la poésie. Backstage 2, Summer of Love. La poésie pour Jim Morrison, c'est son ami le poète Michael McClure, criant à des lions en cage, silence des yeux, calme des sens. La poésie, c'est Ginsberg, ivre, hurlant The Howl, à l'automne 1955, dans un garage baptisé Sixth Gallery, Fillmore Street, à San Francisco. L'événement alchimique pour la Beat Generation. Le public scandant « Allez, allez !» comme un match de foot, raconte Kerouac, tandis que Rex Roth, le père de la poésie san-franciscaine, essuyait des larmes de joie. La vraie poésie ne veut rien dire. Elle ne fait que révéler les possibles. Elle ouvre toutes les portes. À vous de franchir celle qui vous convient. La poésie, c'est le 14 janvier 1967, un samedi de soleil radieux dans la baie de San Francisco. Le Great Human Being, organisé au Golden Gate Park, le rassemblement des tribus de la contre-culture. Allen Ginsberg psalmodiant des mantras et chantant « Paix en Amérique, paix au Vietnam ». Ferlinghetti et McClure étaient là. Moi aussi. Parmi les 30 000 spectateurs, je me disais, ils ont plus de talent que moi. Ce sont des chamans. J'ai compris ce jour-là que San Francisco était en quête de quelque chose. Quelque chose qui avait à voir avec la poésie. C'était le début du Summer of Love de l'été 67. Jim me dit, Ray, à partir de maintenant, je leur dirai des textes pendant le concert. Parfois, il pouvait parler d'une fille dans le public qu'il trouvait belle. Là, ça a été différent. C'était la célébration du lézard. Stage 1. À gauche, Raymond Zarek, assis devant son orgue Vox Continental Combo. John Densmore, à la batterie au centre. Robbie Krieger et sa Gibson rouge à droite. Chemise imprimée. De chaque côté du plateau, trois caissons d'enceinte à motifs géométriques, à peu près de la taille de Morrison qui entre en scène. Chemise blanche, pantalon de cuir, bottes noires, ceinture à sequins métalliques. Arraché à l'armure d'un Achille guerrier, à la tragédie grecque. Jim, cheveux bouclés sur les épaules, visage à la Botticelli, disent les filles. Nous sommes The Doors. Lions in the street and roaming. Lion dans la rue. Et chiens errants, en chaleur, enragés, écumants. Une bête encagée au cœur d'une ville, le corps de sa mère pourrissant dans le sol de l'été. Il s'enfuit de la cité, il descendit dans le sud et passa la frontière, laissant le chaos et le désordre. Loin derrière son épaule. Un matin, il s'éveilla dans un hôtel vert, avec une étrange créature qui grognait à ses côtés. La sueur perlait sur sa peau luisante. La démarche chaloupée, le visage calme quand il commence le poème dans la faible lumière, la tête un peu inclinée sur l'épaule. Dans la pénombre, la forme est sacrifiée à la lumière. Je serai rockstar et chaman. Sur l'orgue de Ray, brille le point incandescent d'un bâton d'encens. Is everybody in? Premier temps de la cérémonie. Laisse-toi guider. The ceremony is about to begin. Tu as peur? Trop envie? Jim Morrison parle, le visage collé au micro. Je ne te demande ni paranoïa, ni insouciance. Une main couvre son oreille. Juste de faire un voyage délicat et sensuel dans la violence du présent. Jambe droite en avant, genou plié, le pied appuyé sur le support du micro, presque à mi-voix. Suis-moi. Et soudain... Wake up! You can't remember where it was! Had this dream stopped? The snake was pale gold, glazed and shrunken. Il me parle souvent de la tragédie grecque. Ray, un jour... Pendant les moissons, un danseur a imité un dieu. C'était pour protéger la récolte. Le rock, pareil. Dans le froid, les contraintes hostiles à la vie, se rassembler, passer de l'autre côté de ce paysage maudit. Toujours cette façon de reprendre appui, bottes posées sur le pied du micro, les yeux fermés. Her dark red hair. Je cherche votre confiance. L'étrange confiance. Viens. J'ai des perceptions nouvelles dans le cou, les nerfs, la moelle épinière. Je te les donne. Dans la célébration du lézard, il y a des textes de Jim très anciens, comme le corps du président mort dans la voiture. C'est Kennedy, abattu à Dallas en 1963. Ou Go Insane, le petit jeu du devenir fou. Once I had a little game. Je joue. Jouer n'est pas un jeu. Comme le sexe, ce n'est pas l'orgasme. À l'orgue, j'avais pensé à cette unique note répétée, un sortilège. Quand jouer meurt, ça devient un jeu. Quand le sexe meurt, ça devient l'orgasme. Tout jeu contient l'idée de mort. There's been a slaughter here. Stage 2. Deuxième temps de la cérémonie. Run with me. Les Indiens disent qu'il faut accomplir le voyage pour faire tenir le monde ensemble. Don't stop to speak or look around. Your gloves and fan are on the ground. We're getting out of town. We're going on the run. And you're the one I want to come. Nous quittons la ville, nous prenons la fuite, et tu es celle que je veux avec moi. Je lui ai parlé des chamans de Sibérie. Il a dit, Ray, ça me plaît. Ne pas toucher le sol, ne pas voir le soleil, plus rien d'autre à faire que de fuir, fuir, fuir, fuyons. Une maison sur la colline. La lune repose tranquille, les ombres des arbres témoignent de la brise sauvage. Viens, fuis avec moi. Fuyons. Fuis avec moi. John à la batterie. Un battement de métronome. C'est l'envoûtement de la musique. C'est elle qui me donne une espèce de confiance pour les prendre. Pour eux, je suis l'indésirable si désirable. Effroi et plaisir, sublimé par le cuir, Gloria et terreur. Une cible et une idole, toutes les angoisses de la foule, sa jouissance. J'ai ce pouvoir-là. Je suis le connecteur du plaisir et de l'angoisse. Je suis le labyrinthe. J'ai ce pouvoir-là. Je donne forme à tout ça, avec des mots. Un journaliste lui a posé la question, savoir s'il était un sexe symbole. Jim a répondu. Je ne vois pas que le sexe soit tellement symbolique. Mais il veut bien du rôle. Il veut bien être ce corps par lequel passent toutes les angoisses de la foule. Seulement le corps, c'est l'intérieur. Oui, je suis vrai. Ma viande est vraie. La peau de mon visage. Ma langue épée, flamboyante, projetant des lucioles verbales. Est vrai ? Ray l'a dit. Le corps n'est pas la maison, c'est l'intérieur de la maison. Parfois il crie, nous on ne s'arrête pas de jouer. Parfois il part dans un murmure, il supplie. Le spectateur est un animal mourant. Il n'y a pas à être compatissant, il faut être celui qui sait. Nous, le groupe, nous sommes là juste à espérer que les grillages entre sa pensée et la scène vont tenir. Robbie à la guitare au premier plan, John au cymbale. La voix impatiente de Jim Morrison. Il glisse le long du micro, visage calme, tête en arrière. J'accomplis des rituels de moi seul connus. Ils attirent la foule, parce que je suis sa dernière chance. Un soir de 67, après un concert à la State University de New York, à Long Island, on était en coulisses. Il me dit « Ray, c'est à nous de les tenir. Il faut prendre le temps d'aller les chercher. » Tu vois, la permutation doit s'effectuer entre eux et nous. La poésie entrer en elle, et la foule devenir l'acteur. Le public aime s'imaginer qu'il est défoncé en permanence, comme s'il pouvait triper à leur place. Mais ce qu'il cherche, c'est que chacun décide ce qui lui arrive. Un soir, il a désigné un spectateur, et il a dit « Personne ne peut rien pour toi. » Quelques hors-la-loi vivaient au bord du lac. La fille du pasteur est amoureuse du serpent, qui vit dans un puits au bord de la route. Réveille-toi, petite fille. Nous sommes presque arrivés. Soleil, soleil, soleil. Brûle, brûle, brûle. Lune, lune, lune. Je te prendrai bientôt. Stage 3. Jim Morrison a fermé les yeux. Troisième temps de la cérémonie. La communion électrique. Plus besoin de les regarder, ils suivent. Ils voient une succession désespérée de portes, des formules. Jim passe en premier. C'est un guerrier. Nous, le groupe, juste après. Pour le chaman, toute guerre a un objectif spirituel. Comme à San Francisco, quand je pensais à une sorte de communion électrique. J'ai dit à Ray, une foule, c'est mathématique. Nous quatre pouvons suffire à retourner une foule. Nous pouvons la soigner. Nous pouvons la changer en émeute. Nous pouvons lui faire l'amour. Le 14 décembre 68, un soir où l'on est de retour à Los Angeles, quelqu'un lance des pétards allumés sur la scène. Jim me regarde puis s'avance devant 10 000 spectateurs. J'entends encore sa voix dans les 32 amplis. Pourquoi vous êtes venu ce soir? On peut jouer toute la nuit, mais ce n'est pas vraiment ce que tu veux, non? Tu veux autre chose? Quelque chose de plus? Plus grandiose que ce que tu as jamais vu, non? L'extase. Soudain, il enlève le micro du pied, fixe le public et glisse sur le sol sans un bruit. Coude replié sur les genoux, la tête entre les mains. Il reste comme ça, par terre, sans bouger. Il m'avait dit... Ray, c'est comme dans une fresque. Il y a du mouvement et puis, ça se fige. J'aime bien voir le temps qu'ils peuvent le supporter. Et juste quand ils vont craquer, je les relâche. Je sais le moment exact où il faut le faire. Quand ils se mettent à avoir peur. C'est très excitant, la peur. Comme l'instant juste avant l'orgasme. La foule se soulève. Quelques éclats de voix. Personne n'ose trop crier. Une fille, la voix cassée, crie « I love you ». Le poète est législateur. Il fait la loi. Ce sont les techniques de l'extase, les manœuvres politiques de l'extase qui changent la nuit en jour, mêlent le soleil avec la mer. La transpiration coule de ses cheveux jusque sur le cuir de son pantalon. Lentement, il relève les yeux. Il paraît si vulnérable. Et soudain, il est debout. Il s'est transformé. Chemise blanche, pantalon de cuir, bottes noires, ceinture à sequins métalliques. La foule croit voir le roi lézard. Nous sommes descendus le long des rivières et des routes. Nous sommes descendus des forêts et des cascades. Nous sommes descendus de Carson et de Springfield. Nous sommes descendus de Phoenix asservis. Et je peux vous dire les noms du royaume. Je peux vous dire les choses qu'on sait en écoutant une poignée de silence, en escaladant les vallées dans l'ombre. Enthralled, and I can tell you the names of the kingdom. I can tell you the things that you know. Listen. Debout, appuyé au micro, les jambes croisées, un peu déhanchées. Le voilà, roi lézard, qui chante sa chanson de marin. Son bateau ivre descend les fleuves impassibles de son royaume jusqu'à la mer. La belle apparence et la dissonance de la créature royale infiniment triste et beau. For 7 years I dwelt in the loose palace of exile, playing strange games with the girls of the island. Now I have come again to the land of the fair and the strong and the wise. Brothers and sisters of the pale forest, children of night, who among you will run with the hunt? Now, durant 7 années, j'ai vécu dans le palais dissolu de l'exil et joué à des jeux étranges avec les filles de l'île. Maintenant, je suis revenu au pays du juste, du fort et du sage. Frères et sœurs de la forêt blême, ô enfants de la nuit, qui d'entre vous se joindra à la chasse? Pour lui, un concert, c'était une question de vie ou de mort. Si je vous dis Brian Jones, Janis Joplin ou Jimi Hendrix, vous comprenez? Un jour, un peu avant les balances, un prêtre est venu nous parler. Tu sais ce qu'il m'a dit, Ray? Un concert rock, d'après lui, c'est de l'énergie mystique. En 68, Jim a méthodiquement testé sur scène chaque passage de la célébration du lézard. À cette époque, il passe parfois la nuit au Barney's Beanery, un bar à côté de notre bureau. Un jour, je suis arrivé au petit matin. Il dansait avec des filles. Je lui dis, partons d'ici. Dehors, le soleil est éblouissant. Nous allons au studio. Il commence à parler d'enregistrer la célébration du lézard. Le producteur n'en veut pas. Il dit à Jim, « Demain amène ton carnet. » Ça veut dire qu'il veut chercher un autre texte. Jim ne dit rien. La célébration n'est pas dans l'album. Cimetière du Père Lachaise, division 6. J'ai dit les derniers vers de la célébration. Voici qu'arrive la nuit avec sa légion pourpre. Retirez-vous maintenant dans votre tente et dans vos rêves. Demain, nous entrons dans la ville où j'ai vu le jour. Je veux être prêt. Riders on the storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, and actor out alone, riders on the storm. Jim Morrison, Indoors, Outdoors, de Christine Spionti. Deuxième épisode. Avec Sarah Jane Sauvegrain et Laurent Lederer, les narrateurs. Olivier Martineau, Jim Morrison. Clotilde Morgiève, Pamela Courson. Slimane Yefsa, Raymond Zarek et la voix d'Élodie Hubert. Conseillère littéraire Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage Bastien Varigaud et Philippe Bredin. Assistante à la réalisation Louise Loubrieux. Réalisation Laure Egoroff. Tous les textes de Jim Morrison sont parus chez Christian Bourgois, éditeur, dans des traductions de Yves Buin, Richel Dassin, Hervé Muller, Sabine Prudent, Werner Rehmann, Patricia Devaux.